ce qu'on doit voir. T'es tout baissé sans regarder, sans regarder où tu vas. À vouloir rattraper le temps perdu. Tu t'essouffles bientôt, tu n'en pourras plus. Prends le temps de poser les pieds, au lieu de courir comme un dératé. Ralentis un peu le tempo, fais comme moi, vas-y mollo. À vouloir aller trop vite, vont croire que tu prends la fuite. Ralentis un peu le tempo, hey, vas-y mollo. Fais comme moi, vas-y, mollo.